Il est des choses que l'on regrette, notamment celles du passé. Mais le passé reste le passé. Et j'espère que nos retrouvailles seront les meilleures. Zobali bosson de maïele sima. Kala lelo yonya komyo yo kapasi. Moleme betamba kuko bazu waka. Nakomyo banga la vino kina bungi zelare. Swele katangwe kendenga na kobosa na Mole manangare Mozuki Bosa na yore Esili na nute Maboko nangare Matanda mie Ebo lingore Nzoke zala kabongo Na bosa na kie Yopo zala kamoto Menini lelo yona Atana pecha masanga la belela yondeli kambo Angana koma kolela bozo bananga Naluka lelo na bosa na bafoteleka Ngana yehe pona tubela masumu nanga Ngana yehe pona bongisa la viyo nanga Ngana yehe poto bongisa lipota na bisoku